Balabambino. Faire de l'argent, essayer de toujours rester. Tu sais, dans cette lumière éblouissante, sous les feux des projecteurs, dans la boîte, et dans tous ces autres trucs qu'on fait, on essaie de se cacher. On essaie, c'est tout. Mais c'est la vie. Tu comprends, je veux dire, dans cette façon de vivre, dans ce bise, il n'y a pas de sentiment, pas d'amour, on n'a rien en retour. Non, pas d'amour, on n'a rien en retour. Le piste concrétise, si je peux faire du pif, j'ai le bon flair, je kiffe faire des bonnes affaires. Espère pas me la mettre à l'envers. Sinon Charles-y fuit dans ton canif de PD. Je croyais que tu voulais te changer. Moi je suis au B, t'as intérêt à payer. Tu veux me dire grave, joue ma tôle, je te brave, t'es grave, c'est pas grave. Passe-moi ta maille et ta cam, ou je te crame et je t'enferme dans la cave. Le business part en sucette quand les keufs me suspectent. Reste discret, décache-toi des barrettes. Et s'ils prennent la tête, cavale avant qu'ils t'arrêtent. Ne laisse pas te mettre les menottes comme une marionnette. On fait du bise entre frères et zinc, là c'est mon business. La coke, on la laisse de déco, bro. On veut des euros car on a les gros. J'achète, je vends, je fais ma recette. J'ai le charme du marchand d'armes, aussi trafiquant d'armes. Trafiquant d'armes. Dans mon trafic, y'a du faux, du vrai. Je donne de la valeur aux faux billets. Tu veux quoi, passe-moi ta monnaie. Appelle-moi Géotrou, tout le plus discret de tous les partout. Willy Boy versus intestable. Willy Boy versus incassable. Willy Boy versus intestable. Willy Boy versus c'est incontestable. Willy Boy versus débarque, on se démarque, on démarque, on soit marque, on fait pas semblant, sans gland, sans les euros, frappant, sans les euros, content mais pas heureux, ro. Sans le mi-père, ça tourne en caisse. Quelques verres et point rien, ça se tape. Nique sa mère, ici de frères de la misère, parents de la galère. Avis au commissaire, mon père s'appelle Bordel. Et si les gènes gênent, tant mieux, je veux que les changeants se tirent les cheveux, se tirent entre eux, se tuent entre eux. 9-5, nerveux, nerveux.